bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID. Aujourd'hui, nous recevons le don du sang avec le président du Vaucluse. Bonjour François. Bonjour madame. Voilà, François Salaroni, président de la Fédération du Vaucluse. Après, nous avons Gérard Camilleri, qui est président de celle de Monteux. Bonjour. Avec son vice-président Jean-François Bresse, qui est connu sur Monteux, hein, je crois. Bonjour. Et M. Norbert Blanc, qui est président de celle de Jonquière. Voilà. Bonjour. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous dire, vous avez des... Il y a Monique qui me fait des signes, elle me déstabilise. Nous avons des 4 repas à gagner au Break. Alors le Break, c'est un restaurant métissé créole européen. Et si vous voulez gagner, vous pouvez téléphoner au 04, c'est notre standard, 04 88 50 18 21, ou sur notre page Facebook. Et vous pouvez aller sur notre site, où vous pouvez gagner des lots. Je pense que c'est du vin. C'est Bombe de Venise, le comité des fêtes qui vous les fait gagner. Je crois qu'il y a déjà des candidats. Hein. Voilà, donc nous allons faire une petite pause et après nous rentrons dans le vif du sujet. À tout à l'heure. Avant de faire la petite pause, je dis bonjour. Ah mon Dieu, j'ai oublié ma technicienne. En plus, sans elle, voilà, c'est ceux qui travaillaient dans l'ombre, on les oublie. Désolé, on vous redonnera la parole tout à l'heure. Fly FM. Le meilleur des hits. Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessé. Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID. Et donc aujourd'hui, nous avons le don du sang et nous avons François, François Salarorini, qui est le président. Alors, parlez-nous un peu du don du sang en France et surtout en Vaucluse. Dans quel état est... Et le don de sang, voilà. Bénévole. Bénévole, bénévole, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'en France, justement... l'éthique, c'est volontaire, anonyme, bénévole et respect de l'être humain. Le don de sang bénévole en Vaucluse, eh bien, ce sont une cinquantaine d'amicales qui maillent admirablement bien notre département et qui permettent à l'établissement français du sang, puisque ce sont des professionnels qui assurent les collectes, bien sûr. Donc, les bénévoles, le mouvement amicaliste collabore avec l'établissement français du sang et il y a quand même 800 collectes à peu près qui se déroulent annuellement dans notre département, ce qui n'est pas négligeable, et qui permet de collecter, donc ces collectes permettent de collecter environ entre 20 et 23 000 poches par an. Nous faisons partie d'une région, donc c'est la région PACA, et cette région, historiquement, est déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de recettes et plus de dépenses, parce que nous avons de gros CHU sur Marseille, Nice. L'autosuffisance nationale est bien évidemment assurée, puisque les autres régions françaises approvisionnent, voilà, compensent, exactement. Le problème depuis qu'on rencontre depuis environ un an et demi, c'est qu'il y a une stagnation, voire une baisse des dons. Et nous sommes, donc, nous étions déjà dans une position délicate, puisque historiquement déficitaire. Là, si il y a un peu moins de personnes qui se présentent aux collectes pour donner, le problème peut s'accentuer. Donc, il faut réagir. Et pour réagir, eh bien, on initie des actions, puisque une des missions pour lesquelles existent les amicales de donneurs de sang bénévoles, c'est assurer la promotion, la sensibilisation au don de sang. On va faire une petite pause et après on en reparlera. Très bien. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic. And I drive myself crazy, thinking everything's about me. Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. Why is everything so heavy? Hold it up. So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Hold it up. Why is everything so heavy? You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the world is out to get me. Not like I made the choice to let my mind stay so fucking messy. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. I know I'm not the center of the universe, but you keep spinning around me just the same. revenu sur Play FM avec le don du sang. Et Jean-François Bresse, vous êtes le vice-président de Monteux. Expliquez-nous un peu à Monteux comment ça se passe, combien il y a de gens qui donnent, combien pourraient en donner. À Monteux, nous subissons la même loi que tout ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire une baisse des donneurs. Et il y a des chiffres qui laissent songeurs, parce qu'en chiffres arrondis, on peut estimer la population de Monteux à 12 000 habitants. Si on enlève les tranches d'âge qui ont une raison de ne pas donner, c'est-à-dire les trop jeunes, moins de 18 ans, ceux qui ont plus de 70 ans, dans la tranche d'âge qu'il reste, si on enlève encore les personnes qui ont un problème de santé, il reste encore 3000 personnes environ à Monteux qui pourraient donner leur sang. Or, combien nous avons de personnes entre 2 et 300 ? Je crois que ce sont des chiffres qui méritent qu'on y réfléchisse et qu'on médite. Parce que si chacune des personnes qui peuvent donner le faisait une fois par an, nous serions comblés, pas nous, mais les besoins pour les malades et les blessés. Je vais demander à Gérard, quels sont les critères pour donner son sang ? Alors pour donner son sang, il faut avoir plus de 18 ans et moins de 71 ans. Bon, il faut être en bonne santé, bien sûr. Par exemple, si vous avez fait un voyage à l'étranger suivant les pays d'où vous revenez, vous pouvez être ajourné pendant 3 ou 4 mois suivant la destination. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme... Si vous avez fait un vaccin peut-être, non ? Oui. Ouais. Oui, il faut peser au minimum 50 kilos. Bien sûr. Voilà, c'est un des critères souvent. Oui, oui, oui. Et comment ça se passe ? Par exemple, moi j'ai jamais donné mon sang, si je l'ai donné, mais je veux dire dans l'utopie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller donner son sang ? Alors c'est très simple, il faut se présenter à une collecte. Donc là vous êtes inscrit, ensuite vous remplissez un questionnaire. Vous passez devant un médecin qui va donc analyser votre cas. Si vous remplissez donc tous les critères nécessaires, à ce moment-là, vous pourrez donner votre sang. Ouais, c'est un peu sur ma parole. Si je vous dis je suis un bon... Vous n'avez pas de façon de contrôler ici quand même. Si, quand même, les médecins sont bien formés, ils savent recouper les informations pour arriver à déceler les anomalies. Parce qu'en fait, le but, c'est à la fois de préserver... Personne qui donne son sang La personne qui donne et la personne qui reçoit. Bien sûr. Voilà. Les deux critères sont très importants, ce qui fait que il arrive souvent qu'il y ait des gens qui soient ajournés, non pas parce que ça représente un risque pour le receveur, mais ça peut présenter un risque pour eux. Pour lui-même, bien sûr, parce qu'il est fatigué. Point de tension. Quel est le rythme de don du sang dans le Vaucluse ? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les jours Les collectes ? Oui, les collectes. Hein. Ah, des collectes, il y en a deux par jour. Deux par jour. Ou voire même trois. Dans le Vaucluse ? Oui, dans le Vaucluse. Ah, d'accord. Il y a deux ou trois collectes qui sont organisées tous les jours. Et c'est l'après-midi, je crois, hein ? En Vaucluse, c'est l'après-midi. Voilà. Donc, généralement, c'est entre 15h et 19h30. Et comment faites-vous pour annoncer, justement, collectes ? Alors, l'établissement français du sang nous met à disposition des affiches que l'on met chez les commerçants, dans les rues. Notamment sur Monteux, nous avons des globulons. Des globulons, c'est joli ça, des globulons. Des panneaux en forme de gouttes de sang qu'on met au... Tout à fait, et donc on annonce comme ça les collectes. Voilà. Mais écoutez, on va faire une petite pause et après on reprendra sur le fait comment on peut inverser cette courbe de don du sang, qu'il y ait plus de gens qui veuillent bien le donner. A tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, every day you hear I'm healing. Sur Play FM 89.9 avec le don du sang. Donc, pour pallier à ce manque de donneurs, François, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce que vous avez concocté? Je crois que vous avez un projet qui est déjà un peu en place et qui donne quand même des résultats. Oui, oui. Alors, c'est vrai que devant ce constat alarmant de baisse des dons en Vaucluse, eh bien, on a voulu réagir et l'Union départementale a pensé qu'il fallait s'appuyer sur la jeunesse. Et on a décidé d'investir le milieu scolaire. Alors essentiellement les classes de CME1, CME2. D'ailleurs, ça a existé auparavant. Il y a des amicales qui, ici ou là, faisaient des actions en milieu scolaire, en primaire. Mais l'Union départementale a vraiment voulu dynamiser notre mouvement et essayer d'engager un grand nombre de nos amicales sur ces actions en milieu scolaire. Est-ce qu'elles ont commencé ? Elles ont commencé depuis le début de l'année. Alors c'était officieux, mais officieusement, il y a eu le lancement de la campagne il y a 3 semaines dans les locaux du Conseil départemental, qui est un de nos partenaires institutionnels. Et donc, officiellement, effectivement, les actions au milieu scolaire ont commencé. Alors, différents supports sont à disposition. Il y a des petits livrets qui sont à destination, justement, des élèves et qui expriment ou qui expliquent le don de sang en fonction de leur âge, hein, puisque ce sont des enfants de 9 à 11 ans en moyenne. Il y a également, et c'est là où on a voulu mettre un petit peu du dysme dans cette action, on a voulu inverser le rapport qu'il y a habituellement entre enfants et adultes, puisqu'on a voulu que ce soit les enfants qui parrainent des adultes. Donc, et on fournit des documents de parrainage aux enfants, qui ensuite, dans leur milieu familial, essaye de faire venir les adultes au don, puisque ces actions de sensibilisation ont lieu 15 jours à 3 semaines avant une collecte. Et ça marche eh bien entre 10%, entre 10 et 50%. C'est-à-dire que sur 100 élèves sensibilisés, il y a en moyenne 10 à 20 adultes qui vont sur une collecte, mais parfois, comme elle n'a pas lu la semaine dernière, il y a eu 50%. De grandes personnes qui sont venues, et c'est extraordinaire, puisque là, on est tout à fait bon. Bien sûr, on sensibilise les enfants qui seront éventuellement de futurs donneurs dans 10 ans, parce que dans 10 ans, il faudra encore des produits sanguins. Et dans l'immédiat, eh bien, on fait venir ou revenir des adultes sur les collectes, et on est gagnant. Voilà. Et est-ce que vous intervenez sur toutes les écoles du Vaucluse, ou vous en avez combien ? Alors, on intervient où le corps enseignant nous accepte, puisqu'il faut savoir que eh bien, le corps enseignant, c'est un peu comme l'ensemble de nos concitoyens, y compris les élus. Il y a des instituteurs, des directeurs d'école qui ne pensent pas que le don de sang bénévole, c'est très important, et donc trouvent des excuses pour éviter qu'on vienne dans leurs écoles. Donc c'est en fonction vraiment de l'accueil que l'on reçoit au niveau des enseignants. Eh ben c'est bien dommage. Donc on va faire une petite pause et après on parlera du parcours Flamme de Vie, avec Norbert peut-être. Hein, à tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Avec le don du sang. Je crois que Monique voulait poser deux questions très intéressantes. Oui, moi j'avais une question à savoir, est-ce qu'il faut être à jeun pour donner son sang? Plus maintenant. Alors la question est intéressante, parce que c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il fallait être à jeun. Et donc il faut que nos auditeurs soient bien conscients que lorsqu'on va donner son sang sur une collecte, ce n'est pas pour faire une analyse que le médecin a pu vous prescrire. Donc c'est vrai bien que sûr, c'est très souvent, vous allez dans un laboratoire d'analyse où l'infirmière vient le matin avant votre petit déjeuner et là vous êtes à jeun. C'est pas le cas pour le don de sang bénévole. Bon, bien évidemment, il faut éviter de surcharger le repas avec force rillettes et foie gras. Mais du vin de pomme de Venise. Ça va très très bien ensemble. Ah d'ailleurs. Bon. Ouais. Oui, oui, ouais, je, oui, je pense que nous oui. avons affaire à une gourmet. Donc, la plupart de nos collectes ont lieu l'après-midi. Vers les 15h, vous avez fait un repas normal, eh bien vous venez donner, on vous accueille très facilement et très convivialement. D'ailleurs, après l'acte du don, vous resterez un petit peu dans l'espace collecte pour avoir une petite collation, puisqu'il faut effectivement boire et éventuellement manger un petit peu avant de repartir. Ouais. Sinon, c'est dangereux. Je crois que tu as encore une question. Oui, ben oui, je suis curieuse. Est-ce que vous pouvez détecter des anomalies ou un problème de santé sur quelqu'un qui, donne, qui ne le bien sait sûr. Pas bien sûr, oui, oui, ça arrive, je vous dirais, quasiment tous les jours. Hein. C'est pas forcément très grave, mais que vous veniez donner votre sang là, pour la première fois ou pour la 150e fois, eh bien, des échantillons, un petit échantillon est pris et il va être testé. Il va y avoir 14 tests. Il faut savoir que c'est en France qu'on pratique le plus de tests. Et ces tests vont révéler éventuellement une anomalie. Le donneur est averti, soit par courrier, soit, quand c'est un petit peu plus important, par conversation téléphonique avec un docteur. Voilà. Eh bien, écoutez, on a appris plein de choses. Et je vais demander à Norbert, qui est président des dons du sang de Jonquière, qu'est-ce que c'est les flammes pour la vie? Alors, le parcours de la flamme de la vie, c'est pour attirer les donneurs vers les points de collecte. Donc, nous... Cette année, ils partent de Monteux. Et pourquoi ? Ben Monteux, c'était l'ancien lieu du congrès, vers le nouveau lieu du congrès, qui est Le Pontet. Donc ce parcours se décompose et passe dans différentes villes. Les amicales reçoivent la flamme de vie. En principe, les présidents d'amicales doivent porter la flamme au lieu de la ville suivante. Alors donc, nous, cette année, Jonquière est concernée. Moi, je partirai de Jonquière en moto jusqu'à Camaret, porter la flamme de vie à Camaret. Après, de Camaret, elle ira à Sérignan, Sérignan-Piolain. Et le lendemain, le parcours se fera de Bolène en passant par Sainte-Cécile, Orange, Cadrousse, et elle arrivera à Sorgues. Donc là, elle restera toute la nuit, et le lendemain, elle partira de Sorgues au nouveau lieu du congrès, qui est Le Pontet. D'accord. Voilà. Et j'ai entendu parler de vélo. Oui, il y a les cyclotouristes du Vaucluse qui accompagneront la flamme de vie tout le long du parcours. Et ça dure 2 jours ? 2 jours. D'accord. On va faire une pause, je crois, et après, on reviendra un peu sur cette flamme de vie. À tout à l'heure. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Do you? venez sur Play FM avec le don du sang. Donc je crois qu'on a zappé quelques petites villes où la flamme va passer. Alors on va commencer par la première ville, laquelle c'est ? D'où ça part ? Monteux. Voilà, ça part de Monteux. Après Bédaride. Voilà. Alors Monteux, c'est quelle date ? Le 6. Le 6. À quelle heure ? 13h. À 7h du matin ? 13h. Ah, vous m'avez fait peur. 13h. J'ai dit, on va se lever. Et alors, il y a le maire, il y a... Alors, bon, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais bon, on va essayer d'inviter les élus. Bien sûr. Voilà, donc on fera une petite animation entre 12 et 13h en face de la mairie. Et à 13h, la flamme partira portée par les cyclistes qui se dirigeront ensuite vers Bédaride. Ce serait bien qu'il y ait des enfants qui viennent. Bon, ouais. C'est que c'est un créneau où c'est un petit peu difficile. Oui, c'est un peu difficile. Bon, il y a la sécurité, il y a tout ça. Ouais. Bon, donc ça part. La flamme part de Monteux. Qui c'est qui la porte ? Alors ça sera les cyclistes du cyclotourisme. Voilà. Du Pontet. Normalement, pourquoi un cycliste ? Tout simplement parce que c'est le congrès a lieu au Pontet et le président des donneurs de sang bénévoles du Pontet a contacté son homologue cycliste, M. Barsotti, et celui-ci a eu envie de faire le fil rouge pour ce parcours de la vie. C'est pour ça qu'il y aura des cyclistes du Pontet et accompagnés tout le long du parcours des cyclotouristes de chaque localité. D'accord. Et après, ça se termine au bout de 2 jours par un congrès, je crois, au Pontet. Ah ben oui, c'est le 50e congrès en plus des donneurs de sang. Ah oui, c'est quand même une date donc anniversaire. C'est une date très emblématique. Mmh. C'est énorme. Hein. On atteint de 150 à 300 personnes. Je crois que c'est aussi une occasion de faire parler de nous. Toujours dans le but de sensibiliser. Toujours. Et ça se passe où, au Pontet, exactement ? Au Boulodrome. D'accord, au Boulodrome. Le Boulodrome, qui est à côté du lac du Pontet. Voilà, donc, n'importe qui peut venir. Voilà, c'est vrai que c'est essentiellement ouvert aux amicalistes, aux sympathisants, mais si vous avez envie d'écouter tout ce qui s'est déroulé en 2016 et voir les orientations futures, pour 2017, eh bien, venez, on vous rejoint. Venez nous rejoindre, plutôt. Et je crois que vous récompensez des donneurs assidus. Oui. Alors, c'est l'occasion, lors de ces congrès qui ont lieu chaque année, de décorer, effectivement, des amicalistes méritants. Et il va y avoir à peu près une trentaine de Vauclusiens qui vont recevoir des décorations de l'ordre du mérite du sang. L'ordre du mérite du sang, ça équivaut à notre Légion d'honneur. D'accord. Voilà. Donc, ce congrès, ça se passe au Pontet, au Boulodrome, à quelle heure ? À partir de 8h30, et pas jusqu'au bout de la nuit quand même. Mais donc, l'assemblée plénière se déroule le matin, avec bien évidemment des invités. Il devrait y avoir un bon nombre d'élus. Il y aura le professeur Chiaroni, donc c'est le directeur d'établissement français du sang Alpes-Méditerranée. Il y aura aussi mes collègues des autres départements de la région PACA. Il y a quand même, on va dire, du beau monde. Et surtout, les travaux sont de grande intensité et de très bonne teneur. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on fait pour vous contacter si on veut un peu plus de renseignements ? Vous voulez que je vous donne le courriel Voilà, c'est ça. C'est ud84@fédération-don-de-sang.asso. A2SO.fr. Voilà, je crois qu'il faut le répéter parce que c'est un peu compliqué. UD84@fédération-don-de-sang en un seul mot, .asso.a2SO.fr. Et sinon, vous allez sur le site d'internet, vous trouvez. Moi, j'ai trouvé, tout le monde le trouve. Ou sur l'annuaire. Voilà. Pire. Et puis, donc, je crois que notre congrès. Après notre congrès, on va développer justement la page Facebook, sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai qu'actuellement, nous avons tendance à sensibiliser les gens de façon classique, entre guillemets à l'ancienne, mais il faut que, eh bien, on évolue nous aussi et qu'on aille sur les réseaux sociaux pour, entre autres, attirer les jeunes. Oui. Les jeunes quand même qui donnent, hein, puisque de 18 ans à 25 ans, ils représentent un quart des donneurs. Ah, c'est pas mal, ce qui n'est pas négligeable. Et pourquoi après ça tombe ? Alors c'est l'entrée dans la vie active, donc d'autres priorités, en sachant que ces jeunes-là, on ne va pas les voir sur nos collectes. les collectes locales, puisqu'ils vont donner dans les grandes écoles, dans les facultés. Mais on s'est aperçu que plus une amicale était dynamique, et plus il y avait de jeunes donneurs qui donnaient, ben c'est logique, hein, ouais, bien sûr, puisque c'est... quand vous voyez des panneaux de sang tout au long de l'année, quand vous entendez parler du don de sang très souvent, quand vous faites justement des actions type 18 ans ou présentation des vœux aux jeunes de 18 ans, et vous êtes l'amicale est présente, eh bien les jeunes adultes se sentent concernés. Voilà, si on les ignore, ben ils vous ignorent aussi. Normal. Voilà, bien sûr. Bon, je crois qu'on va faire une pause. Et à la fin, on récapitulera un peu vos projets. Vos... Voilà. Là, on va passer aux chroniques. À tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Et nous voilà revenus sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et Alain va nous parler d'un livre. Alors, c'est un premier roman qui a été sélectionné pour le prix Pulitzer 2017. Cet été-là, de Lee Martin aux éditions Sonatine. Alors, c'est un roman choral, donc il y a différents narrateurs. C'est un roman absolument prenant, et comme dit le principal intervenant, au tout début, une histoire dure à entendre. Mon nom est Henri Dize, et j'étais alors enseignant, professeur de mathématiques et tuteur pendant l'été auprès d'enfants tels que Cathy, qui en avait besoin. Je suis désormais un vieil homme, et même si plus de 30 années se sont écoulées, je me rappelle encore cet été et ses secrets. La chaleur et la manière qu'avait la lumière de se prolonger le soir, comme si elle n'allait jamais partir. Si vous voulez écouter, vous allez devoir me faire confiance. Sinon, refermez ce livre et retournez à votre vie. Je vous préviens, cette histoire est aussi dure à entendre qu'elle l'est pour moi à raconter. Alors tout ce qu'on a su de cette soirée-là, c'est que Cathy McKay, 9 ans, était partie à la bibliothèque pour rendre des livres qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Et puis peu à peu, cette disparition a bouleversé la vie bien tranquille de Tony Hill, une petite ville de l'Indiana. Elle a fait la une des journaux nationaux, la police a mené l'enquête, récolté des dizaines de témoignages, mais personne n'a jamais su ce qui était arrivé à Cathy. Que s'est-il réellement passé cet été-là ? Alors, 30 ans après, quelques-uns des protagonistes se souviennent. Donc Henri Dease, le professeur de maths, Gilly, le frère de Cathy, Claire, la veuve de Raymond, qui a été soupçonnée du kidnapping, quelques voisins, tous prennent la parole, évoquent le souvenir, les secrets émergent, les langues se délient. Qui a dit la vérité ? Qui a menti ? Et aujourd'hui encore, qui manipule qui ? C'est absolument remarquable. Il n'y a aucune violence, il n'y a pas de sang, rien du tout. C'est psycho à mort. Ah ouais, hein. Ça, moi, j'aime bien. Alors moi, j'ai bien aimé parce que les prix Pulitzer, on ne se trompe jamais. Ouais, ils sont toujours bien. Autant, les prix Goncourt, Femina et autres, on aime ou on n'aime pas. Un prix Pulitzer, on aime. Savoir que comment... Dans les prix Pulitzer, on a eu, par exemple, Margaret Mitchell, avec Autant on emporte le vent. Oui. Steinbeck, Les raisins de la colère. Plus récemment, Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ou Cormac McCarthy, La route. Juno Diaz, La brève et merveilleuse histoire d'Oscar Wao. Ou Donna Tartt, Le chardonneret. Ah ouais, je les ai à chaque fois, ce sont des bouquins qui vous prennent jusqu'au bout. C'est chez devant. C'est chez devant. À lire et à relire. J'ai le temps de parler d'un film. Bon, moi j'ai trouvé, aujourd'hui, ça sort, ça s'appelle A United Kingdom, c'est de Amma Azant, c'est avec David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton. C'est une magnifique histoire d'amour. C'est l'une des histoires d'amour les plus incroyables du siècle dernier. Celle de Seretse Khama, jeune roi du Botswana, et de Ruth William, une londonienne de 24 ans. En 1947, année de leur rencontre, l'Afrique du Sud est en plein apartheid. Enfin, je ne sais pas si ça a changé beaucoup. Je crois que c'est toujours l'apartheid. Bon, mais enfin, là, ils étaient en plein. Hein. Et ce mariage interracial, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, a été très mal vu. Que ce soit dans le pays de la reine Victoria ou celui de Khama. Un amour impossible que la réalisatrice anglaise Amma Azant a choisi d'adapter à l'écran. Donc c'est une histoire vraie. Et en plus, le premier jour du tournage, 3000 personnes se sont présentées parce que donc la réalisatrice avait demandé des figurants. Et 3000 Botswanais sont venus se présenter. Et le fils du prince Seretse Khama a fait une brève apparition dans le film. Voilà. La bande annonce de ce film United Kingdom, qui réchauffe le cœur autant qu'elle révolte, nous raconte l'incroyable épopée de ce couple qui a bravé les dictats de l'apartheid. Ça ne devait pas être bien facile à l'époque, hein. Déjà maintenant, mais à l'époque, leurs différences et les nombreux obstacles qui ont jalonné leur route. Moi, je pense que c'est un film qui doit remuer la petite cuillère. Et on fait une petite pause. Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps tes soupirs me donnent le tempo, c'est le parfait accord de ta peau sur ma peau. Classe et secret défense. Secret défense. Oh. Is it- my Mia, but Kanye West song. Kanye West song. Est-ce normal que je passe mon temps libre à combler tes absences? Mes absences. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time the two get undressed, I hear symphonies in my head. Quand sur mon corps tes soupirs me donnent le tempo, c'est le parfait accord de ta peau sur ma peau. Is it weird that your eyes remind me of a Coldplay song? Coldplay song. Est-ce normal que je sois comme un loup sorti de sa cage? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time the tunes get undressed, voilà, revenu sur les sur Fly FM 89.9 avec le don du sang. Et Monique va nous parler de course. Oui, je chausse mes lunettes, pas mes baskets. Hop, hop, j'y vois rien. Alors, je vous propose sortie VTT. Le 1er avril, vous avez à Saint-Julien de Pérolas un raid accro-payrollé par équipe de deux personnes. Alors, c'est assez... j'ai bien aimé. Vous avez de la course à pied avec orientation, VTT, canoë et parcours aventure dans les arbres. C'est dans l'Ardèche, ça. Ouais. Vous avez 21 et un 30. Parcours dans les arbres, c'est original. Ah ouais, ouais, c'est, voilà, c'est un raid, donc accrochez-vous. Ça peut être fait en couple ou avec des amis. Enfin voilà, ça a l'air pas mal. Le dimanche 2 avril, la boucle d'oreille à Arles. C'est, apparemment, c'est une traversée des plus beaux paysages des Alpilles. Vous avez par contre, c'est pour les cyclistes aguerris, un circuit de 90 km. C'est costaud. Oui. Vous avez également la 6e Venasquaise. Vous avez 4 parcours, un 8 km qui est familial, un 20 km qui est sportif, un 32 qui est sportif confirmé et un 41 km pour les experts. Voilà pour le VTT. Là, j'attaque la course à pied. Vous avez le 2 avril 2017, le 10 km d'Auchan-le-Pontet. Et vous avez également le semi-marathon du Provence-Luberon. Le départ se fait à Pertuis. Et vous avez également la première édition des sentiers du Paty. Oui, c'est à 3, voilà, c'est ça. C'est la première édition qui se fait donc dimanche avec un dénivelé quand même assez important de 400 mètres. Donc voilà, il faut le savoir. Et vous avez également l'Avignonnaise qui sera le 7 avril 2017. Alors c'est les femmes qui courent et la Ligue avance. C'est un 6 km. Il faut être déguisé si vous venez, messieurs. Ah voilà, d'accord. Voilà, si les messieurs viennent, ils sont invités, mais il faut qu'ils soient déguisés en femmes. Et si les femmes viennent, évidemment, c'est un petit parcours, c'est un 6 km. C'est pour la Ligue du cancer du 7 juin. D'accord, ok. Voilà. Voilà, moi je vais vous dire. Ouais, je voulais vous dire que le 1er avril à Monteux au Trampoline Park, c'est le premier concert organisé dans cette enceinte. La radio Fly FM sera présente pour le concert donné à 20h par le groupe pop-rock McFly, avec Jean-Michel à la guitare, Mathieu à la batterie, Michel au micro et Romain au clavier. C'est un groupe, je finis, de Bagnols-sur-Cèze qui joue du blues, du rock, du hard rock, venez nombreux, et l'expérience se reproduira tous les mois. Voilà, nous sommes revenus sur Fly FM 89.9. Et je voulais vous dire que le 2 avril, puisqu'on vient d'entendre la pub de la fête des fleurs à pommes de Venise, ce sera la 10e édition de ce moment incontournable, parce que vous savez que c'est le moment de planter. de rechercher des plantes originales, décoratives, aromatiques, potagers. Il y a même des producteurs d'asperges, de fraises. Et nous y serons, nous, la Radio Fly FM, de 8h du matin à 17h. Nous serons en direct, nous ferons des interviews. Alors nous allons interviewer bien sûr le comité des fêtes, les producteurs de plantes, les exposants. Nous allons faire on va parler de les plantes dans la santé. On va parler de jardin du bonheur avec Hélène. Donc je pense que ça va être super intéressant. Il y a des animations pour les enfants, pour les grands. Et c'est de 8h du matin à 18h. Et ça se place sur la place de l'église, sur la place du marché. Enfin, c'est magnifique. Il y a des fleurs, des couleurs, des odeurs. J'espère qu'il fera beau. Hein, on va prier le ciel on va faire beau. Donc on compte sur vous. Et pour les cadeaux donc, nous donne le comité des fêtes et dont nous faisons nos auditeurs en profitent, il faut venir les chercher à la foire aux fleurs. Voilà, comme ça on vous recevra avec plaisir, on discutera avec vous. Et si vous voulez qu'on parle avec vous, on vous interviewe si vous voulez. Allez, je crois qu'on a bientôt fini, on va dire au revoir. Non, on n'a pas fini. Bon, alors puisqu'on est dans les plantes, tout ça, je vais vous parler de l'exposition Les Oiseaux des Jardins. Pour la 6e édition du printemps de la Maison des Associations à Vedaine, la ville propose un voyage dans l'univers ornithologue. Alors c'est la Ligue pour la protection des oiseaux et de la biodiversité qui installera à partir, bon c'est déjà fait, 27 mars, mais ça dure jusqu'au 8 avril, c'est à la Maison des Associations. C'est une grande exposition découverte à visiter absolument, mise en place dans le cadre du développement de l'Observatoire des Oiseaux des Jardins. Voilà, alors vous pouvez y aller et c'est... il y a une projection d'un film et des échanges qui clôtureront ce printemps, là, le dernier jour, ce printemps 2017. Alors vous y apprendrez à observer les oiseaux, à les reconnaître, à aménager votre jardin, les dangers du jardin pour les oiseaux, à part l'échange, on ne voit pas trop ce que ça peut être, je ne sais pas. Les sangliers dans les jardins. C'est vrai que si vous êtes à la campagne, vous pouvez. Voilà, leur offrir, comment vous pouvez leur offrir le gîte et même comment vous pouvez leur offrir le couvert. Donc c'est à Vedaine du 27 mars au 8 avril à la Maison des Associations. Voilà, on fait une pause. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. I talk with a mouthful, but I couldn't be sweeter. You're on my cutie in my own way. I won't play, follow the leader. And I don't look like them, I ain't worried about it. I don't talk like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem, I ain't worried about it. I ain't worried about it, 'cause I'm a lady. I don't move like them, I ain't worried about it. I know I'm a gem. cause I'm a lady. Voilà, vous êtes sur Fly FM 89.9 et une petite dernière avant de se séparer avec les dents du sang. Une sortie, moi je vous propose une sortie en plein air. Je pense qu'avec le temps, beau temps qu'il fait, c'est la forêt des cèdres à Beaunieu. C'est une forêt de cèdres majestueux plantée en 1861 grâce aux graines du Moyen Atlas algérien. Et ça offre aux randonneurs une magnifique balade au pied de ces géants du Luberon. À 700 mètres d'altitude, quand on s'élève à partir de Beaunieu, cette forêt de cèdres centenaires se laisse traverser quand même sur 10 km. Les sentiers et la piste ouverte aux cyclistes permettent de mieux connaître et de s'émerveiller du spectacle fascinant qu'offre le cycle des saisons. En ce moment, ça devrait pas... Et puis je pense que l'été, ouais, ça doit être bien frais. Le sentier de découverte qui la traverse possède plusieurs stations d'information sur les espèces végétales typiques du Luberon. Le parking est gratuit et les petits chiens, comme nous on en a, hein, sont admis. Donc voilà, vous pouvez y aller avec votre ami. Bon, je crois qu'on va se séparer maintenant. Je vais dire au revoir à Gérard. Au revoir. Alors, je vais juste rappeler à vos auditeurs notre prochaine collecte qui aura lieu le jeudi 13 avril. Sur Monteux. Sur Monteux, bien sûr, et donc entre 15h et 19h30. Voilà, et je crois que nous allons redire qu'il y a la flamme de vie qui part le 6 avril de Monteux à 13h. Et qui va aller dans tous les villages aux alentours. Voilà. Et si on veut vous contacter, ben je crois qu'il y a la page Facebook, le site. Absolument. Et le numéro de téléphone sur l'annuaire, si vous êtes encore... ce moyen de communication existe encore, on peut le dire. Voilà, je crois qu'on va se quitter. Merci pour cette matinée très, très enrichissante. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi 31 mars de 14h à 15h et que la semaine prochaine, donc mercredi 5 avril, le rendez-vous bien-être et santé avec Linda, nous recevrons Fred Masseur, l'hypnotiseur. Allez, à la semaine prochaine. Bye.